sommes de retour à l'aérospatiale. J'entends la France avec vous et j'ai avec moi Ludovic Fouquet. Bonjour Ludovic. Bonjour, bonjour. Et tu présentes actuellement un projet dans la galerie d'Engram. Et Engram a cette particularité-là d'avoir une galerie qui est fenestrée tout autour. Donc malgré le fait que Méduse n'est pas ouvert au public actuellement à cause de rénovations en cours, La galerie est utilisée un peu comme une cage de verre. Et j'ai l'impression que pour ce projet-là que tu y présentes, tu l'as exploité, cet espace de présentation particulier. Oui, c'est même devenu presque une espèce de serre végétale un peu dans la présentation finale, puisque là j'ai vraiment effectivement joué de la fenestration, de la possibilité de voir même de l'arrière quand on arrive du parc et du bas derrière Méduse et donc derrière Engram, de voir même à la nuit tomber les transparences de mes propositions. Donc une des idées, c'est peut-être effectivement que ça devienne comme une espèce de serre végétale, puisque moi je partais sur un projet qui était assez végétal justement, puisqu'en fait là pour cette faut dire le résultat de enfin cette exposition, c'est le résultat en fait de 2 semaines de résidence, la résidence Octopus, qui a été inventée par Engram justement pour travailler hors du fait qu'on n'était plus dans nos lieux, que c'était aussi pas possible de rentrer dans la galerie avec du public. Donc moi je suis comme le deuxième artiste après Ilana Pichon, avoir bénéficié de cette résidence Octopus, qui était donc 2 semaines de résidence suivie d'un temps de présentation en galerie, mais avec la consigne qu'on allait voir le travail que de l'extérieur. Donc, il fallait vraiment que ça se voit autour, par la rue, donc la Côte d'Abraham. Et donc, on parle de serre. Et Ludovic Fouquet, tu as travaillé dans la continuité d'une série sur le motif de l'eucalyptus que tu travailles depuis déjà quelques années. Et comment est-ce que tu as transformé ce projet-là, qui est un projet en cours, pour venir l'adapter à cette nouvelle résidence, cette nouvelle production? Alors, en fait, le projet Eucalyptus, il est né en 2019 en Corse. Je faisais la sieste sous des grands eucalyptus chez mes amis dans le maquis. Je dormais ça donne envie, hein, au mois de mars, comme ça, en pleine... Je tirais un vieux lit en métal et j'avais mon matelas sous les étoiles. Je dormais à la belle étoile, comme tout le temps là-bas. Et l'après-midi, je me faisais bercer par ces immenses feuillages. Il faut dire, les eucalyptus, ils peuvent atteindre 30 mètres de haut. Chez mes amis, ils font une bonne quinzaine de mètres, en fait. C'est des arbres qui deviennent très vite gigantesques et qui ont un feuillage très dense. Et dans les hauteurs où on habite, là, chez mes amis, il y avait du vent et il y a vraiment ce bruit de feuillage très fort comme ça qui berce un peu, qui balance un peu tout ce feuillage. Et j'ai vraiment été interpellé par ce motif parce que... dans ma sérigraphie, moi, je travaille beaucoup sur la répétition de motifs que je déplace, que je recycle, avec lesquels je fais des compositions qui sont plutôt des tirages uniques, c'est des monotypes, c'est-à-dire c'est moi qui vais agencer mes motifs différemment pour faire comme des variantes en permanence. Et en voyant ces feuilles d'eucalyptus qui sont vraiment très particulières, très longues, qui font facilement 8-10 pouces et qui ont cette forme assez allongée, oblongue, entre une lame de couteau, une larme aussi, des formes comme ça que j'aimais bien, un peu arrondies. Je me suis dit, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans l'idée que ce même motif, il se répète tellement, il se multiplie tellement, qu'à la fin, il est plus visible et ça devient une masse végétale qui remue dans le vent. Et je trouvais que c'était intéressant parce que souvent, à la sérigraphie, on peut imprimer jusqu'à disparition du motif, puisqu'en fait, la petite forme de feuille ou les plusieurs feuilles vont être tellement imprimées sur elles-mêmes, qu'à la fin, ça devient peut-être un noir total ou toutes sortes de couleurs, etc. Donc, il y a eu l'idée de... je suis parti de là en disant, OK, je fais des photos, je fais des vidéos, et ça va devenir la base d'une série à venir. Et quelques temps plus tard, j'ai isolé de mes photos et de mes vidéos des motifs qui sont devenus les motifs de base de ma série. Puis j'avais aussi l'idée de faire du très grand format, donc j'avais imprimé certains tirages en très très grand, en 2 mètres de haut, etc., pour dire peut-être à un moment j'irai vers du grand format. Donc, cette série, elle s'est développée pendant 2 ans avec toutes sortes, enfin de 2019-2020, ouais, avec toutes sortes de recherches sur l'effacement, sur des variations de couleurs, sur des jeux de assez grands formats, sur des grandes feuilles, etc. Puis, pour l'expo, l'idée, c'était, OK, je pars de ça, mais on va imprimer comme en volume. Et là, je vais vraiment explorer la transparence, mais pas seulement en jouant avec des encres transparentes et des bases transparentes dans mes encres, c'est-à-dire superposer mes couches de sérigraphie sur une même feuille, mais je vais au contraire séparer chaque couche, c'est-à-dire chaque couleur, chaque intervention, elle va être sur un support différent, translucide ou transparent. Et avec tous ces supports-là, je vais ensuite composer en volume quelque chose qui va un peu explorer les capacités de multiplication du motif, mais aussi les jeux de transparence. Moi, je travaille depuis longtemps sur les notions de support translucide, transparent, aussi bien dans mon travail de théâtre et de scène que dans la photo, que ces notions-là m'intéressent beaucoup, et le contact avec l'écran et la transparence entre des supports. J'avais déjà fait un jeu d'expo là-dessus en 2012 chez Engram autour de paysages de Belle-Île. Et j'avais surtout travaillé avec le calque et des papiers asiatiques. Puis là, j'ai rassemblé toutes sortes de papiers. Donc, c'était aussi des choses plus nobles et des choses plus de récupération. Donc, je peux vraiment aller de très beaux papiers indiens, japonais, thaïlandais, très légers. Il y en a qui s'appelaient brumeux, nuageux, qui font 8 grammes pour des feuilles de 30 pouces. Donc, c'était des choses très, très belles, très, très. Donc, des beaux papiers végétaux. Et en même temps, des plastiques, des grands films polyuréthane, la voile, le voile de forçage, hein, on appelle ça, donc c'est du géotextile, on dit ici, ou toutes sortes de supports, des emballages en plastique que j'ai récupérés. Donc j'imprimais tout ça et ensuite je regardais comment la lumière jouait en transparence et comment les couleurs allaient des fois être visibles, on les devine à peine d'une couche à l'autre, et comment je pouvais comme ça jouer un peu d'une présence comme ça très, très fantomatique, mais aussi qui rappelle certaines ambiances lumineuses qu'on peut avoir autour des eucalyptus. Et le fait que ce soit très flottant aussi, mes feuilles sont suspendues, les choses bougent comme ça. Idéalement, quand on bougerait dans la galerie, comme c'est des voiles, comme c'est des feuilles suspendues juste par le haut, on a juste en passant un léger mouvement qui se fait, et ça, j'aurais aimé qu'on puisse le percevoir, mais bon, ça sera une autre fois. Mais déjà là, je trouvais que c'était passionnant de partir en volume pour regarder tous ces jeux de transparence et penser ma composition non plus sur une même feuille, mais dans l'espace. Et dans la galerie, j'ai même essayé, vu qu'après, je me suis rendu compte en faisant le montage qu'on était loin, en fin de compte, de certaines œuvres que je voulais présenter. Une des intuitions avait été de faire aussi un grand format et de jouer avec des couleurs plus vives. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, on part de la pointe de la galerie vers des choses très simples, très douces, presque monochromes sur des jeux de gris, pour aller doucement vers un grand mur végétal avec des couleurs beaucoup plus pop. Oui, donc, il y a vraiment une réflexion sur la perception qu'on peut avoir du point de vue dont on est pris dans le point de vue externe. Mais il y a aussi toute une espèce de mise en scène. Ludovic Fouquet, tu es aussi un homme de théâtre. Et est-ce que le théâtre, la scénographie est quelque chose qui vient t'inspirer dans ces processus, ces dispositifs d'installation-là que tu déploies dans l'espace? Ben en fait, c'est vraiment des supports que j'ai utilisés dans mes mises en scène. Par exemple, dès 98, je faisais des mises en scène avec des bâches sur lesquelles il y avait des motifs peints, c'était des présences de fantômes qui étaient donc en transparence. Tous les ateliers de théâtre et vidéo que je mène, par exemple, à l'école d'art ici, c'était beaucoup sur ça, comment projeter dans des surfaces translucides, transparentes. J'ai beaucoup travaillé ça dans mes scénographies, différents spectacles que j'ai pu monter à l'époque en France avec ma compagnie Songe Mécanique en France à l'époque. Et c'est sûr que ça nourrissait, c'est-à-dire que là, je savais comment les matériaux réagissaient. Donc, et puis il y en a où j'ai essayé, parce que c'était des matériaux nouveaux pour moi, mais pour beaucoup, ça a déjà été des bases de décor. Et il se trouve que là, par exemple, c'était aussi un test parce que je collabore beaucoup avec Karine Ledoyen depuis quelques temps. On a fait un parcours où tu vas quand tu dors en marchant. On a des projets de spectacle ensemble. Il y en a un qu'on appelle pour l'instant Trace, qui serait un rapprochement entre la danse, la vidéo et la sérigraphie. Et c'était notamment dans le prolongement de ce que je développais là, c'est-à-dire de la sérigraphie grand format, de la transparence des matériaux. Et j'ai essayé avec de la lumière à l'intérieur, mais ça, je n'ai pas pu le montrer. Donc, des jeux qui une fois en salle de spectacle, ça serait les mêmes supports, mais dans le noir, avec juste des petites sources de lumière. Là, ce qu'on peut expérimenter, c'est le jour, la nuit, ça s'éclaire le soir, donc on a des perceptions différentes. Donc, ça vaut la peine d'y retourner le soir. Est-ce qu'il y a un éclairage dans l'intérieur de la galerie? Oui. Moi, j'ai mis un éclairage qui se programme avec des petites LED et ça marche très bien et ça se voit de loin. Et donc, entre 5 et 8, ça donne vraiment autre chose. Et le matin, j'aime beaucoup cette lumière assez étale, en fin de compte, qui joue bien avec le dispositif. Donc, et c'est complètement différent après l'après-midi avec la lumière rasante du soleil qui rentre dans la galerie depuis la pointe. Donc, c'est effectivement intéressant de le voir peut-être à plusieurs moments, vu que là, il y a une petite prolongation de l'expo. Oui, c'est ça, mais l'exposition est présentée jusqu'au 14 mars, donc on a encore un bon 2 semaines pour se déplacer. C'est présenté à l'intérieur de la galerie d'Engram, qui est située au 510 Côte d'Abraham. Merci beaucoup, Ludovic Fouquet, pour cet entretien à propos de l'exposition À travers. Et de notre côté, on va prendre une pause musicale et on se retrouve au retour de la pause. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Myriam Leland, toujours au micro. Juste avant qu'on reprenne les ondes, c'était la pièce Glowing Mooses de l'album Vegetation Equals Fuel de l'artiste Freeworm. Et c'est déjà le moment hebdomadaire de notre agenda de la semaine. Donc, cette semaine, le lieu Centre en art actuel accueillera l'installation vidéo Conversation avec ma famille de l'artiste Rachel Eschenberg. À partir du 5 mars et ce jusqu'au 28 mars, puis le vendredi 5 mars, donc la journée d'ouverture de cette installation-là, vous pourrez faire la rencontre de l'artiste qui sera présente pour vous faire découvrir son projet. Vous devez réserver rapidement une plage entre 15h30 et 19h. Ce seront des rencontres de 30 minutes. Vous pouvez visiter le site web ou la page Facebook du Centre Le Lieu pour plus de détails concernant les réservations. Et depuis 2015, déjà, le Festival Filministe qui organise à Montréal des discussions sur des enjeux féministes contemporains par le biais de la projection d'œuvres cinématographiques. Donc, on va pouvoir avoir accès à 5 longs métrages et 6 blocs thématiques qui totalisent 50 courts-métrages, et ce, à travers l'ensemble du territoire canadien. Donc, ces films vont être complémentés de 5 discussions, d'une table ronde, de 3 résidences artistiques visuelles avec les artistes Kijatai, Alexandra, Veillette, Chizo, Naila et Moul, et d'une soirée bingo qui va mettre en vedette le cinéma féministe d'ici et d'ailleurs, et d'une classe de maître avec Amandine Gay. Donc, l'entièreté de la programmation va être disponible gratuitement du 4 au 12. C'est extraordinaire de pouvoir avoir accès de manière virtuelle à de si belles programmations. Tout à fait. C'est la première fois qu'on va avoir accès virtuellement à cette programmation-là, puisque justement, depuis 2015, c'est à Montréal que ça se déroulait. Puis, les résidences artistiques, en fait, c'est sur le compte Instagram du Festival Filministe. Donc, on vous invite à y aller. Ça a commencé le 1er mars et ça se terminait aujourd'hui, mais le contenu est encore disponible, bien sûr. Puis, dimanche à 13h, c'est présenté par Dardar dans le cadre du programme Zoologie. Donc, Michel Lacombe et Linda Gaudreau ont été en communication à distance, l'une à Montréal et l'autre à Helsinki, en Finlande. Cette correspondance est allée tout au long de l'année 2020, comprenait des échanges de références, de croquis et de documentation d'exploration tirées à la fois d'histoire de l'art occidental et de leurs pratiques respectives qui ont élargi leur compréhension de l'autoportrait. Donc, ce processus partagé s'est conclu pour chacune des artistes par la création d'une nouvelle œuvre, un autoportrait offert en partie à l'autre. Donc, je répète, c'est dimanche à 13h, qui va avoir un lancement virtuel. Vous pouvez visiter la page Facebook de Dardar, donc c'est Dardare. Et mercredi prochain, le 10 mars, la Maison des métiers d'art de Québec va accueillir l'artiste multidisciplinaire Amélie Brindamour. Et puis, pour une conférence en ligne, l'artiste va discuter de sa pratique artistique et de son nouveau projet qu'il poursuit pendant sa résidence en sculpture qu'il va faire à la Maison des métiers d'art. Donc, ce projet s'intitule « Nous sommes tous signaux ». Et la conférence va avoir lieu à partir de midi via la plateforme Zoom et on s'inscrit d'avance pour pouvoir y assister. Tout à fait. Donc, c'est ainsi déjà que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatialeckrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec, puisque nous y gardons un calendrier le plus à jour possible. Et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Un grand merci à nos invités Ludovic Fouquet et Vin Thiboukas, ainsi que notre chroniqueuse de la semaine Delphine Guesbord. Puis un salut spécial à notre Henri Matisse de la mise en onde, Jacques Gignac, qu'on a hâte de retrouver en studio un jour. Et on se laisse pour une dernière piste de l'album Vegetation Equal Fuel de Freeworm. Donc on se laisse porter par ses ambiances musicales. Et sur ce, Myriam Leland, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, gentil en apprendre.